Dossier 8. Leçon 3. Activité 6. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. À votre service. Monsieur, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est, cette énorme sculpture en plein milieu de la gare? Ça a l'air d'une énorme pâte à gâteau ou je ne sais quoi. Cette pâte à gâteau, comme vous dites, c'est en fait un chewing-gum usagé, madame. Un chewing-gum géant? Ben ça, quelle drôle d'idée! Et un peu plus loin, vous pouvez voir une sculpture de même taille qui représente un mégot de cigarette. Ah, c'est de l'art contemporain, sans doute. Non, non. Je vous explique, madame. La SNCF lance une campagne de sensibilisation pour lutter contre les incivilités. Ah, d'accord, je commence à comprendre. Ces sculptures, ce sont des symboles, c'est ça? Ça représente les incivilités, comme les gens qui fument dans le train ou qui jettent leur chewing-gum par terre. Exactement. L'idée, c'est de surprendre les voyageurs, de les sensibiliser aux problèmes. Et vous pourrez voir un peu plus loin des affiches qui donnent la liste complète de ces incivilités. Et ça va durer combien de temps, cette campagne? Ici, à Marseille, c'est jusqu'au 30 avril. Puis l'opération va se poursuivre à Lyon en mai. Eh bien, je félicite la SNCF! C'est une excellente initiative et l'idée est vraiment originale. Un grand bravo. Merci, madame. Au revoir.